Maintenant, comment diriez-vous ce n'est pas possible comme ça? Non possibile. Ce n'est pas possible comme ça. Non è possibile così. Oui, non è possibile così. Et maintenant, je suis désolée, mais ce n'est pas acceptable pour moi comme ça. Rappelle-moi, pour commencer, comment on dit acceptable. Accettabile. Oui, bien. Alors, maintenant, la phrase en entier. Je suis désolée, mais ce n'est pas acceptable pour moi comme ça. Mi dispiace, ma non è accettabile per me così. Bien. Mi dispiace, ma non è accettabile per me così. Comme nous l'avons déjà vu, les mots qui, en français, se terminent en « ent » ou « ant » donnent en italien « ente » et « ante ». Donc, pour dire « ce n'est pas très différent comme ça », vous direz « non è très différent, molto differente ». Comme ça ? Così. Bien, oui. Non è molto differente così. Dites maintenant, mais c'est très important pour moi. Ma è molto importante per me. Ma è molto importante per me. Et comment diriez-vous c'est très urgent? Nous n'avons pas encore vu ce mot, mais vous trouverez très facilement. C'est presque pareil qu'en français. È molto urgente? Urgente. Ah, urgente. Oui, è molto urgente. Le mot sicuro, S-I-C-U-R-O, veut dire sûr, sicuro. Donc, si vous voulez dire « je suis sûr » et que vous êtes une femme, vous direz « sono sicuro ». Bien, sono sicura. Et je ne suis pas vraiment sûre, toujours au féminin. Rappelle-moi comment on dit vraiment. C'est proprio. Non sono proprio sicura. Très bien. Non sono proprio sicura. Sicura, un peu comme le mot sécurité. Sicura, puisque c'est une femme qui parle. Et comment diriez-vous évident? Evidente? Evidente, oui. Evidente. Les mots qui, en français, se terminent en R, c'est-à-dire A-I-R-E, se terminent en ario, en italien. Ce qui fait que nécessaire, par exemple, se dit necessario. Ça s'écrit N-E-C-E-2-S-A-R-I-O. Et ça se prononce necessario. Je vous rappelle qu'en italien, le C se prononce tch devant un E ou un I. Et puis, il faut prononcer les deux S distinctement. Necessario. Necessario. Voilà, necessario. Vous pouvez me dire ce n'est pas nécessaire pour moi maintenant. Non è necessario per me ora. Bien! Non è necessario per me ora. Et d'après vous, comment dit-on contraire? Contrario? Contrario, c'est ça. Au contraire, se dit mot à mot comme en français. Al contrario. Al contrario. Et donc, comment dites-vous? Au contraire, je veux l'acheter. Al contrario. Je veux. Voglio. Oui. Comprarlo. Bien. Al contrario. Voglio comprarlo. Comment dit-on vocabulaire, à votre avis? Vocabulario. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Vocabulario. Presque. En fait, c'est vocabulario, avec un O, là où vous mettez un U en français. Vocabulario. Mais ne vous inquiétez pas, en italien, vous aurez quand même compris. Ensuite, les mots qui, en français, se terminent par ence, E-N-C-E, donnent enza. Par exemple, science, scienza. Et les mots qui se terminent par ence, A-N-C-E, donnent anza. Par exemple, finance, finanza. Enza s'écrit E-N-Z-A. Et anza s'écrit A-N-Z-A. Enza, anza. Alors, le mot différence, par exemple, se dit differenza. Attention, le ence, E-N-C-E, de différence, devient enza, differenza. Differenza. En règle générale, les mots en tsa sont féminins, c'est-à-dire qu'ils sont précédés de la ou de una, l'équivalent de une en français. Comment dit-on la différence? La differenza. La differenza. Et une différence? Una differenza. Una differenza. Quelle différence se dit che differenza ou quale differenza? D'accord? Che differenza ou quale differenza? Quelle différence? Maintenant, comment traduiriez-vous le mot importance? Importanza. Importanza.